Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo. En ouverture, ce magnifique album du groupe Rush, Vapor Trails, dans sa version remixée, parue en 2013. Ce groupe Rush annonçait qu'il devrait faire peut-être quelques concerts donc, du côté de bien sûr du territoire américain avec Galilee et Alex Lifeson. On déplore toujours la perte de l'excellent batteur qui était Neil Peart. Tout de suite sur Overdrive, restez bien calé derrière votre tuner dans votre rocking chair. On continue avec le dernier album du groupe Lynch Mob. Le guitariste de Dokken nous revient avec un nouvel album de son projet solo, s'appelle Pictures of the Dead, et on envoie ça tout de suite dans Overdrive. Toujours sur le label Frontiers Records, on passe ce dernier album de Treat Wildcard et le morceau 1985. Call it 1985. We are ici on enchaîne avec Dark Snyder et le Gold Gang et ce morceau Blindfold. Our world is changing, nothing seems the same. Sad empty faces, and I'll have no name. No one cares that we're so lonely. No one sees when someone cries. No more reasons to remember. Love's a blindfold on our Udo Dirkschneider en mode ici sensible avec ce blindfold sur cet album Dirkschneider and the Old Gang. Et tout de suite, on va rester dans ce type de hard rock heavy metal avec Carl Leoni, le groupe de Léo Leoni de Gotthard, qui est censé reprendre un petit peu ce qu'était Gotthard des premiers albums dans une version peut-être un peu plus hard rock, un peu plus. Oui, tout simplement un peu plus hard rock, un peu moins pop que ce qu'a pu le faire groupe suisse par la suite. Like It or Not en concert tout de suite, et vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Here's a story about someone I know. Things Yes, excellent que ce call, Léonie, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Une voix qu'on penserait presque interprétée par un Rob Halford des grandes heures. On continue tout de suite, il est maintenant 22h, passe presque 22h sur le 895 de Radio Duo et ce sera au tour du groupe Iron Savior de nous revenir avec son dernier album, ici toujours emmené par Pete Seeg, qui est du heavy metal pur jus à l'allemande, qu'on va démarrer tout de suite pour les amateurs du style. Bien sûr, le groupe n'a pas vraiment, on va dire, changé son fusil d'épaule depuis maintenant quelques années. Toujours, on va dire, très classique dans la formulation. Et à noter qu'au début de leur carrière, on avait Kai Hansen dans ce Iron Savior avec Forever Young tout de suite. Maintenant, ce sera au tour du groupe Satra qui nous sort cet album In Tears of a Rain sur le label MNO Music. Ce sera pour les fans de métal symphonique, donc Nightwish et bien sûr Epica en tête des groupes phares dans ce style-là. Et ce sera le morceau Dance in the Mist, paru extrait de cet album In Tears of a Rain, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Et maintenant de continuer avec Lord of the Lost et Would You Walk With Me Through Hell, enregistré en compagnie de du groupe Infected Rain, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Pour là aussi une musique assez bombastique, on dira, assez élaborée d'un point de vue de, on va dire, de des couches superposées de musique qu'on peut, enfin d'effets sonores un petit peu qu'on peut y retrouver à droite et à gauche. Tout de suite sur Overdrive Radio Duo, ce sera autour du groupe Lord of the Lost. Tout de suite. Avec ce Walk With Me In Hell, Through Hell, que vous retrouverez en compagnie ici du groupe Infected Rain, tout de suite sur Overdrive. Radio Dio, il est temps de passer maintenant à ce bon vieux Therion. J'ai ressorti l'album Sirius B, paru en 2004. Il s'agissait ici d'un diptyque avec deux disques qui est paru en même temps, Sirius B et Lemuria, deux excellents disques de Therion. Et peut-être un côté un petit peu plus mélodique sur Lemuria et un peu plus métal sur Sirius B. En tout cas, beaucoup d'arrangements et de chœurs dessus, comme sur ce Son of the Sun qu'on va écouter tout de suite sur Overdrive Radio Dio. We'll be right back. Vous venez d'entendre le groupe Sierra avec The Box of Spirits tout de suite sur Overdrive Radio Dio. Il est temps de passer à du heavy metal pur et dur avec le groupe Furia et cet album sorti sur le label M&O Music Eternal Fight tout de suite sur Overdrive. try to find a way to fix this unknown pain. Will you believe in me? Come and leave this place again with me. Le groupe Moon Swept tout de suite sur Overdrive Radio avec ce morceau Echoes paru sur leur dernier album Moonball et cet album Parallel Frame. Tout de suite, on va continuer dans Overdrive Radio avec là aussi, encore une fois, un album de Moonspell. Moonspell enregistré en compagnie d'un orchestre. Ils nous font une bonne partie de l'album qui était enregistré donc en portugais et également une rétrospective de leur carrière avec quelques morceaux cultes, bien entendu. On va passer tout de suite à ce Breathe Until We Are No More sur lequel l'orchestre du Lisbon Sinfonietta Orchestra fait tout simplement des merveilles. Breathe in, breathe out. You reach the top of the chain. Inhale, exhale. You made it till the end of days. So let's have a time. Let's do a bit. A few more seconds. Every man is a sinner, every man is a liar, Life is no procession into the fire. Carry the weight or crush into it. Carry the weight or crush. Every man's a sinner in the name of the Father. He's a real appealing into the fire. Carry the weight or crush into it. Carry the weight or crush. Excellent, ce Moonspell avec ce Breathe Until We Are No More, extrait de leur dernier album opus Diabolicum, enregistré en compagnie de l'Orchestre Symphonique de Lisbonne. On est paru également sur le label M&O Music, cet album Beyond the Frame par le groupe grenoblois de Elixir. Là aussi une très bonne production pour un groupe actif depuis maintenant de nombreuses années qui mérite à être connu. An Overview of the Great Beyond par Elixir. Come on! Et maintenant, toujours du black et metal avec Windswept et ce Investigation tout de suite. We'll be right back. Et maintenant, on va passer à Konis Kumelaton avec ce groupe Merta. Peittää surussa aaltoille. Voilà, il est temps maintenant de quasiment clôturer l'émission. On rappelle le www.radiodio.org. On rappelle également le www.facebook.com/overdrive-radiodio pour retrouver tous les liens des podcasts, des émissions, la plateforme Mixcloud pour justement les émissions. On vous dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Faites attention, vous ne devrez pas faire très chaud. Et on se quitte au son de The Old Dead Tree, extrait de ce London Sessions avec le morceau By the Way.